Serafine Akizimana sur la mise en onde au micro, c'est Vestine Boutoui. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée de ce lundi, dont voici les principaux titres. Début ce lundi des activités de réhabilitation du pont Moussaga se trouvant sur la route nationale numéro 7, en offre de soulagement à l'endroit de ses utilisateurs. Et des femmes batois de la commune et province de Muyinga font face au manque du marché d'écoulement de leurs produits artisanaux. Et la chronique sportive de ce lundi parle du processus d'arbitrage du jeu de badminton. La page sécurité débute ce journal. Une femme du quartier Tcharama de la zone Kinama au nord de la capitale économique Bujumbura a été fusillée le matin de ce lundi. L'auteur de ce crime avait un fusil de type Kalachnikov qu'il détenait dans un bidon selon la police. Pour le moment, la femme bénéficie des soins intensifs dans l'un des hôpitaux de la capitale Bujumbura. La police précise que l'auteur a pris fuite avec une moto qui l'attendait et des enquêtes relatives sont en cours, conclut la police. Et en page société, les effectifs des enfants naturels inscrits dans les registres de reconnaissance à l'état civil en province de Kayanza ont augmenté. Ils sont passés de 80 à 160 comparativement à l'année dernière, selon Mathias Manilumba, contrôleur de l'état civil à Kayanza. Il demande surtout aux administratifs à la base de veiller à ce que dans la communauté, tous les nouveaux-nés soient inscrits dans le registre des naissances à l'état civil afin qu'ils aient accès à des documents administratifs. Patrick Saint-Guillaume. Comme le montrent les données chiffrées fournies par le bureau provincial de l'état civil à Kayanza, parmi ces 60 enfants naturels enregistrés à l'état civil après avoir été reconnus par leur père, 78 sont de la commune Matongo, 28 de la commune Kabarole et 17 de la commune Kayanza pour ne citer que ceux-là. Les mêmes données montrent également que les communes qui ont enregistré peu d'enfants naturels sont surtout la commune Gamba avec un seul enfant, contre les communes Nemuhanga et Muruta avec 3 enfants naturels chacune. Bien que Mathias Manilumba, contrôleur provincial à l'état civil à Kayanza, apprécie positivement l'augmentation des enfants naturels qui gagnent la reconnaissance de paternité en cette localité, il déplore pourtant le fait qu'il y ait encore un grand nombre d'enfants dont sur leurs documents il est encore mentionné père inconnu dans la place réservée au nom de leur père. Il demande à l'administration, aux responsables de l'état civil au niveau des communes et à la justice de travailler en synergie afin qu'il n'y ait plus ces cas d'absence de paternité pour tout enfant né, étant donné selon lui qui se rend de ses droits. Sylvie Bakaliona, conseiller socio-culturel du gouverneur à Kayanza, on dit qu'au niveau de l'administration, l'on dit se réjouir de cette reconnaissance faite par certains pères envers leurs enfants nés naturels. Néanmoins, au niveau de cette même administration, l'on déplore le fait qu'il y ait encore des hommes et femmes infidèles qui pratiquent le concubinage, la principale cause de la naissance de ces enfants naturels. Sylvie Bakaliona appelle la population à Kayanza à couper court à cette mauvaise pratique. Et aux jeunes, le conseil socio-culturel du gouverneur à Kayanza leur demande d'éviter l'acte sexuel avant le mariage. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de badminton commence l'arbitrage après avoir bénéficié des formations de premier niveau organisées au niveau national. Selon Nicolas Bikolimana, directeur national technique au sein de la Fédération burundaise de badminton, les arbitres qui violent les règles régissant le sport de badminton doivent être punis conformément aux lois internationales réglementant ce sport. Les détails avec Marie-Claire Kazeneza. Avant de commencer son métier d'arbitrage, un arbitre de badminton doit d'abord bénéficier des formations de premier niveau qui sont dispensées par les experts de la Fédération internationale de badminton. Cela est dit par Nicolas Bikolimana, directeur national technique au sein de la Fédération burundaise de badminton. On fait la formation, c'est ce qui montre qu'on a des compétences. Alors là, il y a la Confédération africaine de badminton ou bien la Fédération internationale de badminton qui envoie un expert pour former un arbitre. Et vous avez un certificat qui atteste que vous êtes certifié pour officier les matchs, que ce soit au niveau national ou à l'extérieur. Les étapes, d'abord, on forme un arbitre de niveau 1 qui doit officier les compétitions au niveau national. Un arbitre de badminton atteint le niveau d'arbitrer les matchs internationaux lorsqu'il affiche un comportement digne lors des matchs canton pour les préliminaires. Lorsqu'il y a une sortie à l'extérieur, l'équipe doit sortir avec l'officier, avec l'arbitre. Alors, on lui donne la chance d'arbitrer les matchs préliminaires pendant la phase éliminatoire. Si on voit qu'on est à la hauteur, on va décider alors d'envoyer cet arbitre pour faire une autre formation pour aller au niveau 2. À ce moment-là, on a les compétences d'aller officier les matchs internationaux. Ce directeur national technique de la Fédération burundaise de badminton indique que les arbitres exercent leur métier d'arbitrage en se référant aux lois internationales régissant ce sport. Lors des compétitions, on se réfère au règlement de la Fédération internationale de badminton. Au niveau de l'Afrique, il y a une confédération. C'est le même règlement. On est obligé de suivre même les fédérations nationales. Mais des fois, les fédérations nationales peuvent rectifier un peu le règlement suivant que les badistes n'ont pas encore eu un niveau requis pour respecter tout le règlement. Lorsque ces arbitres violent ces lois, ils doivent subir des punitions parmi lesquelles contient la suspension définitive au sein du comité d'arbitrage. Comme on le fait dans toutes les disciplines, un arbitre qui va à l'encontre de l'éthique sportive, il est puni par la loi, c'est-à-dire que lorsque on trouve qu'il a mal arbitré, c'est-à-dire qu'on peut le suspendre, mais des fois on est obligé de lui donner des conseils, mais quand c'est répété, quand il refait souvent, on peut arrêter, continuer avec les autres. Dans la prochaine chronique sportive, Nicolas Bikolimana expliquera comment se fait l'arbitrage de badminton. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes au sujet de la radio Isanganiro. Continuons ce journal par la page économie. La suspension des rapports Doing Business de la Banque mondiale et dans le classement des 190 économies n'aura pas d'impact négatif sur le climat des affaires au Burundi. Une affirmation du directeur général de l'Agence de promotion des investissements, API. Désiré Mouchalitz estime que cette suspension n'est que justice rendue. Il promet que son agence va poursuivre les réformes pour améliorer le climat des affaires au Burundi. Et c'est l'élément sonore, nous y reviendrons après. Les travaux de réhabilitation du pont Moussaga se trouvant sur la route nationale numéro 7 ont été débutés ce lundi. Les usagers de cette route saluent cette initiative. Ils expliquent que se déplacer pour eux était devenu casse-tête. Ils demandent aux responsables l'accélération de ces travaux. Et l'agence routière du Burundi annonce que ces travaux vont durer à peu près 5 mois. Les nouvelles lois portant protection sociale vont aider les députés et sénateurs ainsi que ceux qui vont entrer dans les postes politiques. Cela a été dit ce lundi à Gitega au cours d'une réunion organisée par le ministère de la Solidarité, Gérard Niwigira. Selon la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, Imelda Sabushimike, le nouveau code de la protection civile du Burundi est bénéfique pour les mandataires et dignitaires politiques à la fin de leur mandat, contrairement à l'ancien code. Dans la phase actuelle de la mise en œuvre de cette politique nationale de protection sociale, la cible des mandataires et dignitaires politiques a retenu une attention particulière pour le gouvernement, car l'analyse des prestations en matière de protection sociale pour cette catégorie montre que bon nombre de ces derniers font face à une situation précaire à la fin de leur mandat. Néanmoins, la bonne nouvelle est que le nouveau code de protection sociale renferme, comme vous allez le constater, pas mal de dispositions en faveur des parlementaires tenant compte de leur secteur professionnel. À propos, le représentant de l'UNICEF au Burundi a promis que cette institution onusienne appuiera le Burundi dans la mise en application du nouveau code de la protection sociale du Burundi. Dans le cadre de partenariat avec le gouvernement du Burundi, l'UNICEF reste toujours engagé à soutenir le gouvernement du Burundi dans les nobles missions de mise en place d'un système de protection pour tous. De son côté, le deuxième vice-président du Sénat remercie le gouvernement du Burundi pour avoir organisé un atelier à l'endroit des parlementaires. C'est une belle occasion pour nous d'être informés sur la politique nationale de protection sociale et sa stratégie de mise en œuvre, ainsi que sur les étapes déjà franchies. C'est également très important pour nous de prendre connaissance du contenu du nouveau code de protection sociale et notamment les grandes innovations par rapport à l'ancien code de la sécurité sociale. Cet atelier a été organisé par par le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre via le secrétariat permanent de la Commission nationale de la protection sociale. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Je vous le disais que la suspension des rapports Doing Business de la Banque mondiale dans le classement des 190 économies n'aura pas d'impact négatif sur le climat des affaires au Burundi. Une affirmation du directeur général de l'Agence de promotion des investissements API, Désiré Mouchalis, estime que cette suspension n'est que justice rendue. Il promet que son agence va poursuivre les réformes pour améliorer le climat des affaires au Burundi. On l'écoute au micro de Mireille Kanyang. C'est une appréciation positive parce que justement la banque vient de se rendre compte que ce classement, des fois elle est biaisée. Elle est biaisée parce que elle s'est rendue compte qu'il y a des pays qui sont mieux classés alors qu'ils ne le sont pas en réalité, parce que c'est par rapport à leur poids ou par rapport au financement qu'ils donnent à la Banque mondiale. Donc je pense que c'est faire justice à tous les pays, pour que justement on puisse revoir ce classement et on puisse revoir toutes ces réformes d'un business, pour que justement dans le futur, quand on classe un pays, premier, deux, troisième, quarantième, centième, que ça soit réaliste et qu'on ne tient pas compte d'emploi dans le pays. En suspendant ces rapports, la Banque mondiale a tenu compte des rapports de 2018 qui classaient le Burundi à la 164e place et de 2020 qui classaient le Burundi à la 166e place. Selon vous, une suspension opportune? Je ne dirais pas que c'est opportune ou non opportune. Je dirais que c'est une justice faite à tous nos pays, surtout nos pays africains où des fois ce classement est biaisé justement parce qu'on tient compte d'un contexte politique quelconque ou que ne regarde pas vraiment les vraies réformes économiques du secteur privé que le pays a déjà engagé. Est-ce que cette suspension du classement des rapports de Doing Business a un impact négatif sur le climat des affaires au Burundi? Il n'y aura pas d'impact négatif sur le climat des affaires au Burundi. Comme je l'ai bien dit, nous allons continuer à mettre en œuvre les réformes nécessaires au niveau du climat des affaires au Burundi. Et nous pensons que durant ce temps, la Banque mondiale va chercher à améliorer cet instrument pour le mettre à des standards qui ne permettent pas de remettre en question le classement. Et un communiqué de la Banque mondiale du 16 septembre précise qu'elle met un terme à la publication de ce rapport après avoir constaté des irrégularités dans les données des éditions 2018 et 2020. Le gouvernement du Burundi s'est engagé à promouvoir le secteur touristique lors de la célébration de la Journée mondiale du tourisme ce lundi. Jérémy Wanigwaninzigo, secrétaire permanent au sein du ministère du Commerce, précise que ce secteur a connu des avancées. Suivez-le. Le gouvernement du Burundi est en train de déployer ses efforts pour promouvoir les secteurs qui représentent un potentiel prometteur afin d'accroître son économie. C'est dans cette optique que le plan national de développement du Burundi 2018-2027 prévoit la redynamisation de l'écotourisme à partir de l'amélioration de l'offre et la stimulation de la demande des produits touristique suivant trois objectifs spécifiques, dont la réforme du secteur du tourisme, le développement des infrastructures adaptées aux conférences internationales et autres grands événements, ainsi que la promotion des infrastructures d'accueil adaptées dans les zones touristiques. Conscient de l'importance du tourisme, le gouvernement du Burundi a montré sa volonté politique pour développer ce secteur en mettant en place la stratégie nationale de développement durable du tourisme qui est aujourd'hui sous évaluation à mi-parcours pour une meilleure adaptation aux réalités, ainsi que le code des investissements qui offre un certain nombre d'avantages pour les investisseurs locaux et étrangers qui veulent investir dans le secteur du tourisme. Cette politique encourageante a conduit les investisseurs à construire plus de 500 hôtels en quelques années, car en effet, le nombre d'établissements touristiques d'hébergement est passé de 87 en 2010 à 595 En 2019, le secteur du tourisme est porteur de croissance économique et créateur d'emplois au Burundi à hauteur de 4,4% dans de nombreux secteurs qui y sont liés, dont l'agriculture, aux télécommunications en passant par le bâtiment. Des femmes battues du village Sanzo de la commune et province Muyinga déplorent les longs trajets à la recherche du marché de leur peau et les expliquent que cela diminue leurs revenus. Denise Ndaruheke est chef du cabinet du gouverneur, interpelle les battues à s'intéresser aux associations communes afin de mettre en avant le métier de poterie au Merandouaï. Ces femmes battues du village d'Opé Sanzoué, de la zone Munagano, commune et province Muyinga, disent transférer les pots en Tanzanie suite au manque du marché au Burundi. Joël Sabimana, l'un des élus à la base, estime que le manque des parcelles est la raison de ce transfert. Ces femmes battues demandent l'octroi des parcelles à cultiver pour trouver à manger. Nous cherchons du marché à Bushubi sans succès. Nous marchons vers Rulenge où nous échangeons le pot par un gobelet d'haricots et des colocases. Vaut mieux en Tanzanie qu'au Burundi. Denise Ndaruhekeye, chef du cabinet du gouverneur, estime que l'union des battois et d'autres personnes en association peut contribuer à leur développement. Parler d'une chose exclusive aux battois, ce serait une autre discrimination. Par contre, nous les interpellons de s'unir avec les autres pour le développement. Le village de Pessanzoué compte près de 50 ménages. Beaucoup de femmes et de filles adultes qui y habitent vivent de la poterie. Merci Omer Andouayo et c'est par ici qu'on nous attend un point final à cette édition de la mi-journée de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine et à Kizimana pour sa parfaite collaboration. Merci à l'équipe de la rédaction. Et ainsi s'achève cette édition. Vestine Boutoui, j'étais à la présentation. Au revoir.